السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، continue l'explication, le résumé de l'explication de Kitab al-Tawhid par Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. On est arrivé au chapitre qui est باب ما جاء في حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. Donc Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dit chapitre ce qui était rapporté au sujet de la défense de l'unicité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses efforts dans la fermeture des voies qui mènent à l'association. Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, il explique ce passage en disant, et d'abord Cheikh Islam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, il cite une preuve de Surat Tawbah, et il dit: mais pour preuve la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est: certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, jusqu'à la fin du verset. Parce que Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abhab, rahimahullah, il n'a pas cité le verset de Surat Tawbah dans son entièreté. Et Cheikh Al-Fawzan, justement, dans son explication, il dit: Tamamul aya, harisun alaykum. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit, hafidahullah ta'ala, la suite du verset, ce dont la traduction du sens est, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Surat Tawbah, verset 128. Puis dit Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, munasabatul bab li kitab al-tawhid. Anna al-musannif rahimahullah لما بين في الأبواب السابقة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد أو لجناب التوحيد عفوا أراد أن يبين هذا الباب حمايته الخاصة أراد أن يبين في هذا الباب حمايته الخاصة. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit, le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité Kitab al-Tawhid est que l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, comme il a expliqué dans les chapitres précédents des points relatifs à la défense de l'unicité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu expliquer dans ce chapitre sa défense de l'unicité de manière spécifique. Et puis, le cheikh, hafidahullah ta'ala, il fait l'explication des termes utilisés ici, et il dit Al-Mustafa huwa al-Mukhtar. Al-Mustafa, c'est Al-Mukhtar, le choisi, l'élu. Janab, ay janib. Janab, c'est-à-dire janib, c'est l'aspect de quelque chose. Ja'akum, ya ma'ashar al-arab. Ja'akum est venu à vous, c'est-à-dire ô vous les Arabes. Min anfusikum, min jinsikum, wa bilugatikum. Min anfusikum, pris parmi vous, venant de vous, de la même origine que vous, de parmi vous, de votre sein, c'est-à-dire de votre type et parlant votre langue. Azizun alayhi, ay shadidun alayhi jidda, wa huwa khabarul muqaddam. Azizun alayhi, auquel pèse lourd, c'est-à-dire que cela lui pèse très lourdement. Et ici, c'est un point de grammaire, il dit que c'est un khabar qui est muqaddam. Ma'anittum, ما يشق عليكم ويلحق الأذى بكم من كفر وضلال وقتل وأسر وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ وخبر. Donc il dit le cheikh ici, حفظه الله تعالى, ما عنيتم, que vous subissez, ce qui vous pèse lourdement et qui vous cause du tort, à l'instar de la mécréance et de l'égarement et du meurtre et de l'emprisonnement. Et puis il dit le cheikh hafidahullah ta'ala, harisun alaykum. Ici, c'est toutes des caractéristiques du prophète alayhi salatu wasalam, qu'on va le voir dans un instant. Harisun alaykum, ay shadidul hirsi wal raghbati fi hidayatikum wa husul an-naf' al-ajili wal ajili lakum. Harisun alaykum, c'est-à-dire plein de sollicitude et de désir que vous soyez guidés et que vous obteniez le bien présent et futur pour vous. Al-ajil wal ajil. Bil mu'minin, avec les croyants, ay, la bi ghayrihim, c'est-à-dire avec personne d'autre. Raoufun balighu shafaqah. C'est compatissant et c'est plein de compassion. Rahim baligh ar-rahma. Baligh ar-rahma. Rahim, miséricordieux, c'est plein de miséricorde. Al-ma'na al-ijmali lil-aya. Le sens général du verset, et on fait référence ici au verset 128 de sourate Tawbah. يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان أنه بعث فيهم رسولا عظيما في من جنسهم وبلغتهم يشق عليه جدا ما يشق عليهم ويؤذيه ما يؤذيهم شديد الحرص على هدايتهم وحصول النفع لهم شديد الشفقة والرحمة بالمؤمنين خاصة منهم. Donc le cheikh dit ici, hafidahullah ta'ala, le sens général du verset de Surat Tawbah, c'est qu'Allah le Très-Haut informe ses serviteurs de manière à leur rappeler ses bienfaits dont il les a comblés, qu'il a envoyé parmi eux un messager d'une grande importance venant d'eux, et parlant leur langue. Ce qu'ils subissent lui est très lourd, et ce qui leur fait mal, cela lui fait du mal à lui aussi également. Il est plein de sollicitude quant à leur guider. Et à ce qu'ils obtiennent le bien, il est plein de compassion et de miséricorde envers les croyants de manière spécifique. Alayhi salatu wassalam. Munasabatul ayati lilbab. Maintenant, après avoir vu le caractère opportun du chapitre par rapport au livre de l'unicité, on voit maintenant le caractère opportun ou la relation entre, ou le rapport entre le verset de Surat Tawbah et le chapitre qui est ce qui a été rapporté au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa défense du tawhid. Et que le fait qu'il a fait tous les efforts possibles pour fermer la voie à ce qui mène au shirk. Et il dit le shirk, hafidhahullah ta'ala, munasabatul ayati lilbab, anhadil awsafa, vous corrigez là, al-awsafa, al-mazkurata, fiha, fi haqqin nabi sallallahu alayhi wa sallam, taqtadi annahu andara ummatahu wa hadharahum ani shirki, alladhi huwa a'adamu al-dhunub, li'an hada huwa al-maqsoud al-a'adam fi risalatihi. Le rapport entre le verset et le chapitre est que ces caractéristiques qu'on a citées et qui sont citées dans ce verset au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam impliquent qu'il a averti et a mis en garde sa communauté contre l'association à Allah, qui est le plus grave des péchés, car c'est cela l'objectif le plus important de son message, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire le fait de préserver le tawhid, d'appeler au tawhid, et le fait d'interdire le shirk, hein, et de fermer toutes les voies qui puissent y amener. On puisse y mener. Maintenant, ma yustafadu min al-aya. C'est les enseignements qu'on tire de ce verset 128 de Surat Tawbah que Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Hawab rahimahullah ta'ala a cité comme preuve dans ce chapitre. Je vous rappelle que certains parmi les gens de science, notamment comme Cheikh Saleh Al-Sheikh, ils ont comparé ce livre à quel livre, comme on l'avait dit, ou à son style. C'était à Sayyid al-Imam Bukhari, rahimahullah. Hein? C'est-à-dire quand vous voyez le Cheikh d'Islam, rahimahullah, il rapporte à titre de chapitre une mis'ala et puis il rapporte des preuves. Awalan, anna al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam qad haddara ummatahu min al-shirki wa ba'adaha minhu wa sadda kulli tariqin, ou sadda kulla tariqin yufdi biha ilayhi. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a certes mis en garde sa communauté contre l'association Allah azza wa jal, et elle en a éloigné et a fermé toute voie qui mène à elle. Thaniyan, al-fa'idatu thaniya, at-tanbiyu 'ala ni'mati Allah 'ala 'ibadihi bi-irsal hadha ar-rasul karim ilayhim wa kunuhum minhum. Attirer l'attention sur le fait ou sur le bienfait d'Allah sur ses serviteurs. Quel est ce bienfait? Eh bien, c'est qu'il leur a envoyé ce noble messager et du fait qu'il vient de parmi eux. Troisième فائده او troisième enseignement ici, مدح نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من صميم العرب واشرفهم بيتا ونسبا واشرفهم بيتا ونسبا. Donc c'est l'éloge quant à la lignée du messager صلى الله عليه وسلم qui vient des arabes purs et il fait partie d'une famille de la lignée qui sont les plus nobles. اشرفهم بيتا ونسبا. Le nasab ici, c'est dans le sens de lignée. Rabi'an, bayanu ra'fatihi ورحمته بالمؤمنين. La mise en évidence de sa compassion et de sa miséricorde envers les croyants. خامسا فيها دليل على غلظته وشدته على الكفار والمنافقين. Il y a dans ce verset la preuve de sa dureté et de sa sévérité envers les mécréants et les hypocrites. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. L'auteur, qui est Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il continue dans ce chapitre, et après avoir cité le verset de Surat Tawbah, verset 128, il cite le hadith d'Abu Huraira qui est rapporté par Abu Daoud, et notamment Ahmed dans son Musnad aussi. Et il dit, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas de vos demeures des tombes, et ne faites pas de ma tombe un endroit de célébration, ou une célébration. Et priez sur moi, car votre prière sur moi me parvient où que vous soyez. Comme on a dit, le hadith est rapporté par Abu Daoud avec une bonne chaîne de transmission, et ses narrateurs sont dignes de confiance. Ça, c'est toujours la parole du Cheikh al-Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Maintenant, l'explication du très savant Cheikh Salih ibn Fawzan, ibn Abdullah al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, et il dit: La taj'alu buyutakum quboura. أي لا تعطلوها من صلاة النافلة والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. Ne faites pas de vos demeures des tombes. C'est-à-dire, ne laissez pas vos demeures vides de prières, surrogatoires, et d'invocations, et de lecture du Coran, et que donc elles deviennent comme des tombes. Et comme on va le voir dans un instant, vous voyez comment c'est de ce genre de preuve-là que les ulama ils ont tiré que le fait qu'on va voir dans un instant qu'on n'adore pas Allah Azza wa Jal près d'une tombe. Parce que justement, si on doit faire que nos demeures ne soient pas comme des tombes en faisant ce genre d'adoration, ça veut dire qu'auprès des tombes, on ne le fait pas. Et toujours pourquoi? Toujours pour fermer cette porte au shirk. ولا تجعلوا قبري عيدا العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. C'est pour ça qu'on appelle عيد d'ailleurs. اي لا تتخذوا قبري محل اجتماع ترددون اليه وتعتادونه للصلاه والدعاء وغير ذلك. ولا تجعلوا قبري عيدا. Et ne faites pas de ma tombe une célébration ou un endroit de célébration. Comme cela. العيد, c'est le temps que l'on spécifie et l'endroit où on a l'habitude d'aller, c'est-à-dire ne faites pas de ma tombe un lieu de réunion que vous fréquenteriez et que vous prendriez comme habitude d'y prier et d'y invoquer, etc. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُونِ حَيْثُ كُنْتُمْ أي مَا يَنَالُنِي مِنْكُمْ مِنَ الصَّلَاةِ يَحْسُلُ مِنْ قُرْبِكُمْ وَبُعْدِكُمْ مَعَ قُرْبِكُمْ وَبُعْدِكُمْ مِنْ قَبْرِي فَلَا حَاجَةَ بِكُمْ إِلَى الْمَجِيءِ إِلَيْهِ وَالتَّرَدُّدِ عَلَيْهِ. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. Car votre prière me parvient où que vous soyez. C'est-à-dire, ce qui me parvient de vous comme prière, me parvient que vous soyez loin ou proche de ma tombe. Et donc, il n'y a aucun besoin de venir à ma tombe, de la fréquenter. المعنى الإجمالي للحديث. Le sens général de ce hadith, le hadith d'Abu Huraira rapporté par Abu Daoud et Ahmed. المعنى الإجمالي للحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعطيل البيوت من صلاة النافلة فيها والدعاء وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك ونهى عن تكرار زيارة قبره والاجتماع عنده على وجه معتاد لأجل الدعاء والتقرب لأن ذلك وسيلة إلى الشرك وأمر بالاكتفاء عن ذلك بكثرة الصلاة والسلام عليه في أي مكان من الأرض لأن ذلك يبلغه من القريب والبعيد على حد سواء فلا حاجة إلى انتياب قبره. Le sens général du hadith est le suivant. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a interdit de laisser les demeures vides de prière et d'invocation et de lecture du Coran et que donc elles deviennent telles des tombes car l'interdiction de la prière auprès des tombes était établie précédemment pour eux et donc il leur a interdit de faire de leur demeure des tombes. C'est-à-dire quand il leur a dit cela, c'est que l'interdiction était déjà établie. Il leur a dit ne rendez pas vos demeures telles des tombes. Parce qu'ils savaient déjà que les tombes ne pouvaient pas faire ce genre de choses là auprès des tombes. Et il interdit de visiter sa tombe, alayhi salatu wassalam, de manière répétitive et d'y faire un lieu de réunion, de manière habituelle, afin d'y invoquer et d'y adorer. Car cela est une voie qui mène à l'association à Allah. Et il a ordonné de se suffire de multiplier les prières et les salutations sur lui à n'importe quel endroit de la terre, au lieu de cela. Car cela lui parvient de la part de celui qui est proche et de la part de celui qui est lointain, de manière égale. Et donc il n'y a aucun besoin de revenir à sa tombe. Munasabatul hadith il-bab, le rapport entre le hadith et le chapitre qu'on a cité. أن فيه حسما لمادة الشرك وسدا للطرق الموصلة إليه حيث أفاد أن القبور لا يصلى عندها ونهى عن الاجتماع عند قبره واعتياد المجيء إليه لأن ذلك مما يوصل إلى الشرك. Le rapport entre le hadith, le hadith d'Abu Huraira, et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith une, si vous voulez, une coupure de la matière même d'association et une fermeture des voies qui y mènent. Car ce hadith indique qu'on ne prie pas auprès des tombes. Et il est interdit de se réunir auprès des tombes et d'y venir de manière habituelle. Car cela fait partie de ce qui mène à l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors peut-être que pour vous, c'est peut-être des choses qui sont établies, yani que, en tant que salafi qu'on connaît, etc. Il faut voir un peu la situation de la Ummah. Pour les frères qu'on peut voyager en Égypte ou dans d'autres pays, j'avais vu une banderole comme ça, une affiche, dans un cimetière où il y avait, c'était une annonce pour une réunion soufie de Tariq al-Hisafiyya, si je me souviens bien, où ils allaient se regrouper ce soir-là dans la tombe, et une grande tombe, etc. Parce qu'il y a des tombes qui ont la hauteur de maison là-bas, et qu'ils allaient se regrouper là pour faire leur chant et leur, ce qu'ils appellent leur ibadat, etc. etc. Hein? Donc ce n'est pas des choses qui n'existent pas. Les enseignements tirés du hadith. ما يستفاد من الحديث سد الطرق المفضية إلى الشرك من الصلاة عند القبور والغلو في قبره صلى الله عليه وسلم بأن يجعل محل اجتماع وارتياد ترتب له زيارة أو ترتب له زيارات مخصوصة. Donc les enseignements tirés du hadith, premier, c'est la fermeture des voies qui mènent à l'association à Allah en termes de prière auprès des tombes et d'exagération envers sa tombe, en faisant un lieu de réunion de fréquentation vers lequel sont organisées des visites spécifiques. Mashru'iyatu as-salati was-salam 'alayhi fi jami' anha' al-ard. Le caractère légiféré des prières et des salutations sur le prophète 'alayhi salat wa salam et ce à tous les endroits de la terre. Troisièmement, il n'y a pas de préséance dans le fait d'être à proximité de sa tombe. L'interdiction de voyager avec l'intention de visiter sa tombe. Cinquièmement, sa défense de l'unicité, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire quand vous allez à Médine, vous voyez qu'il y a des gens qui sont parmi les responsables de la mosquée, etc., qui sont dépêchés à cet endroit-là pour justement pas laisser les gens s'agglomérer autour des tombes et commencer à faire leurs adorations, etc. Donc, alhamdulillah khairan, l'Umlek l'Arabie Saoudia, malgré les critiques de ceux qui les critiquent, etc., regardez l'importance que ce pays donne au Touhid. Et comment ils font tout pour fermer justement les portes au shirk et à ce qui mène au shirk. جزاهم الله خيرا. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فناه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما أوسي أو حيث كنتم رواه في المختارة. Donc l'auteur qui cherche l'islam, Mohamed bin Abdul Wahhab rahimahullah, il dit, et d'après Ali ibn Hussein, qu'il a vu un homme venir à un trou près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, y entrer et invoquer à cet endroit. Il lui interdit et lui dit, je ne vous rapporterai-je pas un hadith que j'ai entendu de mon père qu'il rapporte de son grand-père, qu'il rapporte de mon grand-père, pardon, qu'il rapporte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ne faites pas de ma tombe une célébration. C'est-à-dire que le prophète, c'est ça le hadith, ne faites pas de ma tombe une célébration et ne faites pas de vos demeures des tombes. Vos salutations me parviennent où que vous soyez. Il est rapporté dans un livre qui s'appelle Al-Mukhtara. Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il explique ceci, et ce sera la dernière partie de notre cours pour d'aujourd'hui, inshallah. Tarjamatu Ali ibn al-Hussein. C'est la biographie de Ali ibn al-Hussein. C'est Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib al-Ma'ruf bizin al-Abidin. Afdalu al-Tabi'in, mata sanata 93 Hijriya. Donc c'est qui Ali ibn al-Hussein? Eh bien, c'est Ali, le fils de Hussein, le fils de Ali ibn Abi Talib. C'est-à-dire que c'est le petit-fils de Ali ibn Abi Talib de la voix par la voix de Hussein. D'accord? Et il est connu comme étant Zin al-Abidin. C'est-à-dire que vous avez déjà entendu ce nom-là, Zin al-Abidin. Hein? Et c'est le meilleur des tabi'in. Et il est décédé en l'an 93 de l'Hégire. Furjah. Maintenant, donc, comme à son habitude, il explique les termes. Furja, ay fatha fil jidar. Une furja ici, c'est-à-dire que c'est une petite ouverture dans le mur. Ou dans le pilier. Hein? Dans le mur ou dans le pilier. Pas dans le mur, al-jidar. Jidar. Al-mukhtara. C'est le livre dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est Ismu Kitab Yajtamilu ala al-Ahadith al-Jiyad al-Za'ida ala al-Sahihin li mu'allifihi Ziya'd-Din Muhammad ibn Abdul-Wahid al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Donc Al-Mukhtara, c'est le nom d'un livre qui regroupe des ahadiths qui sont jihad, qui sont jugés bons et qui ne sont pas dans les deux authentiques, qui sont Za'ida alayhima, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les deux authentiques et dont l'auteur est Ziya'd-Din Muhammad ibn Abdul-Wahid al-Maqdisi al-Hanbali. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Munasabatu al-hadith lil-bab. Ana fi an-nahy 'an qasd qabr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li ajli ad-du'a'i 'indah. Fa ghayruhu min al-qubur min bab awla. Li'anna dhalika naw'un min ittikhadihi 'eedan wa huwa wasilatun ila ash-shirk. Donc le rapport ici entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith l'interdiction de visiter la tombe du prophète alayhi salatu wassalam afin de faire des invocations auprès d'elle. Et donc, qu'en est-il alors des tombes d'autres que lui? Car cela entre dans le fait de prendre sa tombe comme lieu de Eid. Et c'est une voie qui mène à l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-hadith. Les enseignements tirés de ce hadith. Awalan annahu an al-du'a'i inda qabri al-nabi sallallahu alayhi wa sallam himayatan li himat tawhid. L'interdiction d'invoquer auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de préserver l'unicité. Thaniyan, mashru'iyatu inkari al-munkari wa ta'lim al-jahil. Le caractère légiféré de réprouver le mal et d'instruire l'ignorant. Al-man'u min as-safari li ziyarati qabri ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam himayatan lit-tawhid. L'interdiction de voyager afin de visiter la tombe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de préserver l'unicité. رابعا ان الغرض الشرعي من زياره قبره صلى الله عليه وسلم والسلام عليه فقط وذلك يبلغ من القريب والبعيد. Donc maintenant peut-être que les gens se posent la question, qu'est-ce qui est légiféré de faire à ce moment-là? Ben la réponse elle est là. Le but légiféré dans la visite de la tombe du prophète عليه السلام est uniquement de lui faire les salutations. Et cela lui parvient de celui qui est proche et de celui qui est loin. Et avec cela on a fini le cours d'aujourd'hui. وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.